et nostalgique, et nostalgique de ces années magiques. N-A-R-C-O-Z, L-E-R-A-C. Ok. Texte pour tous les potes, les soi-disant et les autres. Ceux qui check, pense à toi, pas à tes chaînes. Ou à ton fric chic, mais y'en a trop peu. Zut, à ces fils de pute, on dit adieu. Texte pour tous les potes, les soi-disant et les autres. Ceux qui check, pense à toi, pas à tes chaînes. Ou à ton fric chic, mais y'en a trop peu. Zut, à ces fils de pute, on dit adieu. L'amitié c'est sacré, mais trop l'oubli. Au pire, j'pense aux potes qui te trahissent, qui en face te disent peace. Mais par derrière, drague ta miss, y'a pas le thermis. J'emmerde ces soi-disant amis qui tronchent comme une termite ou ton image la ternisse. Je termine pas ma vie à leur côté, c'est sûr. Les vrais amis, j'les compte sur les doigts de ma main. Certes, t'es amputé, car y'a vraiment trop de putés. Des gens qui t'entourent, mais pour un buté, c'est abusé. Comment je perds confiance, envie d'amputer dans les corps offense pour leur défense. J'suis genre de mec qui te parle en face, peut-être ça blesse, j'en efface. Dans mon cœur, ils ont de place. Ce morceau, une dédicace à ceux toujours présents. Pas à ceux ici pour ta tease ou ton argent. La convoitise, la jalousie peut réduire l'amour à néant. Texte pour tous les potes, les soi-disant et les autres. Ceux qui check, pense à toi, pas à tes chèques. Ou à ton fric chic, mais y'en a trop peu. Zut, à ces fils de pute, on dit adieu. Texte pour tous les potes, les soi-disant et les autres. Ceux qui check, pense à toi, pas à tes chèques. Ou à ton fric chic, mais y'en a trop peu. Zut, à ces fils de pute, on dit adieu. Il n'y a pas un jour sans que je pense à vous. Elle devait nous protéger, poster au garde à vous. On marchait côte à côte, on se serrait les coudes. On se pardonnait nos fautes, y'avait toujours de les coudes. Au fait, vous, c'est pour exploit. Elle, l'amitié qui nous escroque. Allez à vous, que t'as connu ce choc. Qu'un de tes frères qui bat, qui veut te mettre une banane. Quand toi tu le croyais brave, lui t'as pris pour un âne. Mais en face de toi, ces mythos te font mal au crâne. Plus de retour en arrière, ma confiance est en panne. Ça me prend la tête, j'sais plus à qui me fier. Malgré tout, je veux pas que mon cœur soit atrophié. Sache qu'aimer les gens est loin de me pétrifier. Mais depuis quelques temps, mon amertume s'est amplifiée. J'ai quitté Albi pour atterrir à Montpellier. Maintenant, en trois bougies, j'ai rejoint la Méditerranée. Les années s'écoulent comme des jours, tout ça me laisse perplexe. De moins en moins de retours, certains potes sont super vexes. Moi non plus, j'avais pas prévu ces effets pervers. Depuis, on s'est pas revus. Pourra-t-on venir en arrière? Mais que sont devenus Clément, Bruno, Nils, Max, Cécile, Camille, David, Berry? Mathias. Les ruptures sont brutales, sans au revoir ni réponse. Je te rappelle que mon portable c'est toujours 0611. Texte pour tous les potes, les soi-disant et les autres. Ceux qui check, pense à toi, pas à tes chèques. Ou à ton fric chic, mais y'en a trop peu. Zut, à ces fils de pute, on dit adieu. Texte pour tous les potes, les soi-disant et les autres. Ceux qui check, pense à toi, pas à tes chèques. Ou à ton fric chic, mais y'en a trop peu. Zut, à ces fils de pute, on dit adieu. Parle de sentiments et sentiments. Certains ne vont pas s'en tirer, mais devraient loin de moi se tirer. Aujourd'hui, c'est l'amour virtuel. Tous sont leurs potes sur Facebook, blog, mais rien de vraiment réel. Tiens, écoute, de toi la vérité, j'en ai rien à foutre. Parce que tu sais, je l'ai dit, pour moi, il y en a très peu qui comptent. En fin de compte, c'est dans ta gueule que je claque la porte. Je te parle pas de potes, mais d'âmes véritables. Quand trop des soifs, voire même ne sont plus respectables. J'ai eu trop d'hypocrites à ma table. Des gars qui te critiquent et qui m'accablent. Comprends que je pète un câble quand certaines disent putain mat tu gères. Et par derrière te taille ou t'oublie comme un bouquin sur une étagère. J'encaisse et je digère ce morceau. C'est peut-être vers toi qui se dirige. Comment agir? C'est au rang de connard que je t'érige. Texte pour tous les potes, les soi-disant et les autres. Ceux qui check, pense à toi, pas à tes chèques. Ou à ton fric chic, mais y'en a trop peu. Zut, à ces fils de pute, on dit adieu. Texte pour tous les potes, les soi-disant et les autres. Ceux qui check, pense à toi, pas à tes chèques. Ou à ton fric chic, mais y'en a trop peu. Zut, à ces fils de pute, on dit adieu. Quand t'es collégien, lycéen, tu traînes avec plein de gens. Tu crois que les liens sont forts, qu'ils seront encore là dans 10 ans. Je l'ai pensé à tort, sans écouter les médisants. Malgré tous mes efforts, entre nous des pas de géants. Anniversaire, internat, rentrée des classes. Mes compères et moi, on avait le lust qui déclasse. Ah ouais. Sans qu'on se perde dans le sale délire, y'a quand même eu de la casse. Des bagarres au bar de rire, mentalité jacasse. Aujourd'hui, je suis posé, carrément vieux avant l'âge. J'avais même pas cramé, j'avais changé d'entourage. Certains sont restés fidèles, malgré le fait que je déménage. Ce sont eux les vrais, on fait preuve de courage. Régulièrement des visites, ça fait toujours plaisir. Passe quelques jours à l'appart, tu seras toujours désiré. Si j'ai mes complices, des guerriers prêts à bondir. Méfie-toi de leurs sévices, si tu cherches à me nuire. Un coup de fil et je suis là, quand un frère a besoin de moi. Sache que je me défile pas, pour un service ou un coup de bras. C'est rien comparé à ce que je peux faire pour ma famille. Là il s'agit pas d'amitié, mais d'un dévouement infaillible. Ceux qui ont le même sens sont en premier dans mon cœur. Notre confiance est sans bornes, seulement l'amour comme odeur. Mais jamais. Next, pour tous les potes, les soi-disant et les autres, ceux qui check, pense à toi, pas tes chèques, pas ton fric chic, mais y'en a trop peu, zut, à ces fils de pute, on dit adieu. Next, pour tous les potes, les soi-disant et les autres, ceux qui check, pense à toi, pas tes chèques, pas ton fric chic, mais y'en a trop peu, zut, à ces fils de pute, on dit adieu. Paix à tous les frères, les vrais. Et elle R A C. Pourtant on se connaissait depuis l'âge du bouffin. On était hyper soudés, maintenant nos liens sont tout fins.